D'un schéma de compète et de fric, tout le monde y trouve son compte car le message est authentique. Elle nous inspire la volonté d'agir à sa façon, où elle nous fait respirer l'envie de créer son nouveau monde. Elle nous fait danser, elle nous fait croire en un meilleur lendemain, loin de vos batailles de pouvoir. Oh, reggae, reggae, reggae, reggae style, elle a toujours été la même quand nous n'y étions pas. C'est du real reggae music up on the station. C'est du real. Tout le monde a un tune dans son poste. Même tous les plus gros des fachos ont un jour écouté Bob. C'est du real. Et on donnera toujours le maximum. C'est du real reggae music up on the station. C'est du real. Tout le monde a un tune dans son poste. Même tous les plus gros des fachos ont un jour écouté Bob. Le son de folk, la basse résonne. C'est du real reggae music qu'on te lâche, qu'on te donne. Robadob in a me place, in a me vision. J'tape des tonnes de textes de face pour représenter mes idoles. Musique du peuple, à ne pas confondre avec populaire. Les plus grands revendicateurs n'avaient pas de service clientèle. Musique du cœur n'est pas toujours la plus complexe à ce qu'on dit, mais peu de monde la vive et la joue de manière sincère. Bon. Music up on this station.